Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de L'Heure des Loups, l'émission de 18h à 19h sur Radio Guémozo 107FM. Et pour l'émission de ce soir, même si le temps n'est pas spécialement à la fête, je vous suggère une proposition de promenade, une proposition de sortie, vu qu'en effet je me suis rendue le 21 avril dernier dans les jardins de Wesserlin, ces six beaux jardins dans lesquels il y a chaque année des thèmes, hein, des constructions à thème plus belles les unes que les autres. Et petite nouveauté, le jardin a décidé d'ouvrir ses portes plutôt au public par le biais d'expositions. Et cette année, comme c'est la première, c'est une exposition photographique qui s'intitule « Déambulation photographique à travers le Japon ». Donc divers photographes français et autres ont pris des photos en lien bien entendu avec le Japon. Je me suis rendue à la conférence, hein, au vernissage, pour comprendre un petit peu la démarche et pour voir un petit peu tout ce qui s'y faisait. Et puis j'ai bien entendu profité pour explorer un petit peu le parc avec les jardins en construction. C'était assez amusant à regarder. Mais en tout cas, pour ceux qui prennent l'émission en cours de route, j'imagine que c'est un petit peu difficile à comprendre. Toutefois, pour ceux qui le veulent, pour ceux qui le peuvent, j'ai une petite suggestion. Une fois que l'émission sera publiée, et je le rappellerai en fin d'émission, donc quand l'émission sera sur le site ou sur la page Facebook, téléchargez-la, mettez-la sur votre téléphone ou votre MP3 et allez vous promener dans les jardins de Wesserlin. Et comme ça, vous aurez en live ou directement pour vous les explications du directeur des jardins avec les interventions des différents photographes. Alors je vous laisse avec la conférence entrecoupée de pauses musicales. Alors il y a des pauses musicales asiatiques pour rester dans le thème, mais comme les jardins sont français, après tout je vous passe aussi de la chanson française d'un artiste que vous commencez un petit peu à connaître. Il s'agit d'Yvan Marc qui a sorti son album Nos Dimanches, hein. C'est sorti le 27 avril dernier, donc c'est assez récent. Donc voilà, c'est cette conférence entrecoupée de différentes pauses musicales. Je vous laisse écouter ça et on se retrouve en fin d'émission. J'ai le plaisir de vous accueillir ici dans ce jardin pour ce démarrage nouveau. C'est la première fois que nous avons un vernissage d'exposition animation au Jardin des Salins au mois d'avril. C'est une première, c'est jamais arrivé. Pourquoi c'était jamais arrivé? Parce qu'à Wesserlin, jusqu'à peu, jusqu'à il y a deux ans, Le jardin n'était pas aménagé avant le 1er juin ou le 2-3 juin. Parce que simplement, le jardin ne pousse pas. Vous le savez, chez nous, très tôt, on est en saison en milieu continental, on est même en montagne. Et donc, nous savons qu'il ne faut pas se dépêcher avant les seins de glace. Donc, c'est pratiquement fin mai. Et effectivement, le jardin n'a ouvert de façon payante que début juin, pendant pratiquement 15 ans. Et nous constations, nous, avec un peu de tristesse, c'est que les beaux jours du mois de mai, par exemple, de fin avril, comme aujourd'hui, il y avait foule dans la vallée, il y avait foule au jardin non payant, et il n'y avait personne au musée. Et on s'est dit, mais notre modèle n'est pas bon. Il y a pratiquement 2 mois de printemps où il n'y a personne à Vaisselin, alors qu'en fait, on a une belle structure. On a d'ailleurs un beau musée, on a une belle grande chaufferie. Je vous invite, pour ceux qui n'ont pas encore été visiter nos animations, on a des choses très très belles et très rigolotes d'ailleurs, hein, qui permettent aux familles de trouver leur bonheur. Mais le fait que le jardin ne soit pas ouvert faisait qu'effectivement la fréquentation était faible. Et on s'est dit, pourquoi ne pas tenter de fabriquer un jardin de printemps? Alors c'est difficile de faire un jardin de printemps puisque rien n'a poussé. Et donc on s'est dit, il faut qu'il y ait 2 choses dans ce jardin de printemps. D'une part, un jardin très propre, très net, avec partout où on peut quelques plants d'abulbes, mais déjà des animations. Un jardin qui donne de la structure. Et la structure est en place, et vous allez voir l'énorme travail fait d'une part par l'équipe des potagers, dont je salue au passage toute l'équipe, la présidente, les vice-présidents, les permanents, hein, animés par Florence, mais aussi l'équipe des jardins gérés par l'association de gestion dont je suis président, avec Guillaume, qui est le maître d'œuvre, mais on va y revenir avec Guillaume, et bien sûr Benoît et toute l'équipe des jardiniers qui travaillent dans cette partie du jardin. Et donc on s'est dit, un beau jardin, un jardin net, un jardin déjà structuré, le sentier pieds nus par exemple est déjà en place et il est très beau, mais aussi quelque chose qui donne un peu de peps, qui donne un peu l'envie de venir voir, et c'est l'idée à germer donc de ce parcours initiatique sur le Japon. Et sur le printemps du Japon, et ça tombe bien puisque le ciel était avec nous, puisque nos propres cerisiers ou arbres fruitiers ont fleuri pour aujourd'hui. Bravo Guillaume. Bon. Voilà, là c'est un gars et qu'il faut garder parce que hein, il nous fait fleurir les cerisiers au moment opportun. Hein. Voilà. Donc effectivement, l'idée a germé de ce parcours photographique initiatique. Alors c'est une première cette année. Il est probable que l'année prochaine on tirera des leçons. Non pas que les photos ne soient pas belles, elles sont magnifiques et je vais revenir dans quelques instants sur les concepteurs dont beaucoup sont parmi nous, mais parce que la mise en scène des photos dans le jardin, on l'a découvert à l'usage, certainement pourra être améliorée. La photo doit magnifier son environnement et l'environnement doit magnifier sa photo. Alors parfois on y est très bien arrivé, d'autres fois on voit bien qu'il faut tirer des leçons. Et il est probable que l'année prochaine, alors est-ce que je donne déjà la thématique? Non, on l'a pas encore. Hein. On a quelques idées à ce sujet. Hein. C'est un pays qui est aussi assez loin là-bas, mais qui nous touche de près à Vaisselin. Devinez, quel est le pays qui nous a toujours touché de près à Vaisselin? L'Inde, les Indiennes. Ah, tac, ah, voilà, je ferme la parenthèse. Donc on a eu l'idée de faire ce parcours initiatique, ce parcours de découverte, ce parcours artistique, ce parcours photographique, effectivement, où le printemps japonais va irriguer le parc de Vaisselin. Et comme le Japon était notre thématique majeure pour l'été avec le festival Jardin Métissé sur la thématique samouraï et princesse dans le pays du soleil levant, et qu'à la grande chaufferie, et ça vaut la peine d'aller voir la grande chaufferie, nous avons les monstres, dragons et animaux étranges du Japon, et il faut dire franchement ils sont effrayants, allez y voir, hein. Faites-vous peur. Et donc c'est bien la thématique du Japon qui a précisé, dominé si vous voulez, cette mise en valeur printanière donc de ce beau jardin. Et c'est vrai qu'on constate que nos visiteurs qui ne connaissent pas du tout le site, qui sont venus ici par hasard, qui pénètrent dans ce jardin qui n'est pas encore en légumes ni en fleurs, puisque rien n'a poussé, sont charmés par cette ambiance générale d'une part, mais également par cette exposition, par ce parcours photographique de qualité. Alors, bien sûr, on va parcourir le site pour voir ces photos. Et à chaque étape, Guillaume présentera les concepteurs qui sont présents aujourd'hui. Et s'ils le veulent, bien sûr, ils pourraient dire un mot. Mais tout de suite, je vais faire les remerciements généraux, si vous voulez. Rien n'aurait été possible, bien sûr, sans toute l'équipe des jardins, autour de Guillaume, avec Benoît et toute l'équipe, sans toute l'équipe technique, parce qu'il a fallu accrocher des œuvres, fabriquer des choses pour que ça marche, autour de Jean-Marc Price. Sans, bien sûr, un cas particulier qui est donc colorature, Alors, je ne sais pas s'ils sont là, les gens colorature, ils le sont, je les ai vus. On peut peut-être leur demander de lever le doigt, tout le monde n'est pas là. Non, il y a juste moi aujourd'hui. Voilà, mais ils ont fait un travail formidable. Toutes les toiles peintes sont faites à Vesserlin par une entreprise qui s'appelle Colorature et qui a fait un travail formidable, il faut dire, à un prix tout à fait compétitif. Et vous verrez ces toiles, qu'elles soient petites, parce qu'on a aussi des gens qui font 9 mètres x 9 mètres, c'est des photographies imprimées à Vesserlin. Et n'hésitez pas à toucher la toile, elle a du velouté si vous voulez, et la qualité photographique est formidable. Et je vous propose tout de suite, puisqu'on ne le fera plus dans le parcours, d'applaudir Colorature qui a fait un travail vraiment formidable. Bravo à vous. Alors bien sûr, on va retrouver dans les concepteurs généraux des personnes qui ont participé, si vous voulez, à la mise en scène générale. On fera une station tout en haut du château avec deux personnes qui ont fabriqué quelque chose d'extraordinaire, cette toile géante. Donc c'est Vincent Koenig avec l'appui de Yoshiko Gibaud. Mais on en parlera peut-être tout en haut. Et bien sûr, il y a plein d'entreprises qui ont aidé à mettre en œuvre cette mise en scène, et dont la série Arnold par exemple. Alors, je signale quand même qu'un jury a participé au choix des photos. On avait beaucoup plus de photos que de besoins. Ceux qui n'ont pas été retenus, ce n'est pas forcément parce que la photo n'était pas belle, mais parce qu'elle ne s'insérait pas dans un parcours qu'on a voulu construire, si vous voulez, sur le terrain. Mais en tout cas, je remercie tous ceux qui ont participé au jury du concours. Vladimir Lutz, Guillaume, bien sûr, Jean-Marie Boumendry, Jean-Jacques Gibaud, Lisa Renard, qui ont été les maîtres d'œuvre du choix de l'ensemble de ces œuvres. Et tout de suite, quand même, puisque certains ne sont pas là, je vais simplement citer le nom de tous les artistes qui ont intervenu dans cette exposition, ce parcours initiatique sur le Japon. Il y a Fabrik Hetzel, dit Kirsch, il y a Geoffrey Hugel, qui habite à Osaka au Japon, Ludovic Maison de Grenoble, Christian Goupy de Sénantes en France, Améline Gibaud de Paris, mais elle est née pas loin d'ici, Nicolas Pex de Mouroux en France, Jeff Fox de Bruxelles, Alexandre Bonnefoy de Schiltigheim, Cécile Colucci de Strasbourg, Didier Zilberjing de Liechtenheim, Luc Bali de Ribeauvillé, Angelo Di Genova du Japon, de Toyonaka, Josiane Prévost de Riedisheim, Vivien Druino de Kems, je vais arriver au bout, Vincent Verdier de Taïwan, Thomas Charpentier d'Angers, Maya Thibault de Sauveterre de Rouergue, Yann Meunier d'Hiroshima, Sandrine Marbach de chez nous, de Crut, Sylvain Sester de Rosswiller, Benoît Béni de Israël, c'est Benoît notre jardinier bien sûr, Simon Paulet de Cestas en France, Marjorie de Mulhouse, que je connais bien parce que c'est mon technicien, mais je ne savais pas qu'il était aujourd'hui présent dans les photos, et enfin Françoise Perrault donc de Marteaude en France. Donc un grand merci à l'équipe des jardiniers, à l'équipe technique, à l'équipe des potagers qui a fait un très beau potager structuré, et bien sûr à l'ensemble des concepteurs, artistes, et je vous propose d'applaudir ceux qui ont fabriqué ce très beau parcours. Voilà. Je m'arrête là, je donne la parole à Guillaume. Donc on ne pourra peut-être pas voir chaque photo, parce que si on prenait chaque photo, il nous faudrait 3 heures pour faire le tour. On va s'arrêter par type d'ambiance. Et le cas échéant, quand un concepteur est parmi nous, on lui donnera quelques minutes la parole. Guillaume, donc présentez-nous la première ambiance de l'entrée. Merci François pour cette belle introduction. Donc nous sommes sur une déambulation photographique. On l'a vraiment construite de cette manière-là, c'est-à-dire que vous allez suivre une progression entre les différentes ambiances jusqu'à la fin. Ici, sur la première ambiance, nous sommes sur la célébration du printemps au sens strict du terme, c'est-à-dire la période Hanami, où les Japonais célèbre l'éclosion de l'ensemble des cerisiers. Donc, on était sur le concours Le Printemps Vision Japonaise. Donc, vous allez retrouver sur à peu près l'ensemble des photographies ce fil conducteur qui est le cerisier en fleurs, de manière discrète ou de manière vraiment affirmée. Vous allez voir sur l'ensemble. Donc ici, nous commençons vraiment sur cette période-là, donc Hanami, les cerisiers en fleurs, et nous allons poursuivre dans le potager, où de plus en plus, il va y avoir des Japonais qui vont s'intégrer sur les photos et des scènes de vie qui vont apparaître. Si jamais il y a des photographes qui reconnaissent leur œuvre ici autour de nous, je vais leur laisser la parole. Est-ce que des photographes sont présents et reconnaissent leur œuvre ici? Non, personne. Non, pas ici. Christian Goupy peut-être. Amine Gibault, non. Bon. Eh bien, à ce moment-là, nous allons poursuivre dans l'autre sas à nouveau. Merci. Les arbres ont à me dire, j'écoute ce que les arbres ont à me dire, le printemps les inspire. Ce que les oiseaux ont à me dire, j'écoute ce que les oiseaux ont à me dire, les arbres les attirent. Alors, ils chantent pour leur plaire, ils chantent pour les remercier du vert. Alors, ils chantent pour la terre, ils chantent pour la remercier de l'air. Ce que les fleurs ont à me dire, j'écoute ce que les fleurs ont à me dire, le soleil les inspire. Ce que les abeilles ont à me dire, j'écoute ce que les abeilles ont à me dire, les fleurs les attire. Alors, elles dansent pour leur plaire, elles dansent pour les remercier du vert. Alors, elles dansent pour la terre, elles dansent pour la remercier de l'air. Continuité du printemps en fleurs, et comme je vous le disais, peu à peu nous avons des personnes, des Japonais qui s'intègrent aux photographies. Donc on a essayé, comme le disait François, d'intégrer les photos dans leur environnement. Donc vous allez voir des clins d'œil entre des peintres par exemple qui peignent sur les photographies des cerisiers en fleurs, avec à côté un cerisier justement qui aujourd'hui nous avons la chance est en fleurs. Et nous avons essayé de faire des parallèles entre les photos, d'insérer une espèce de logique, c'est-à-dire de mettre en vis-à-vis par exemple des scènes d'eau entre elles, ou alors de mettre des scènes du quotidien japonais peu à peu en avant. Donc voilà, si encore ici des photographes reconnaissent leur œuvre, je leur laisserai la parole, si ils le souhaitent. Non ? Il n'y a personne qui a une œuvre dans cette parcelle, non ? Alexandre Bonnefoy peut-être ? Non. Oui. Oui, ici. Voilà. Venez nous parler d'une de vos œuvres, voilà. Alors je suis là-bas, tout au fond. Moi aussi. Donc j'ai pris en fait cette photo dans un temple à Kyoto. Et beaucoup de touristes en fait se sont servis du petit étang pour jeter des pièces comme dans la fontaine de Trévi. Donc je trouvais ça intéressant. J'étais de l'autre côté du ponton. Et voilà, ça m'avait surpris en fait de voir ça, parce que je ne m'attendais pas dans un pays asiatique à ce qu'on jette plein de petites pièces comme on le fait en Europe en fait, dans un bassin pour porter bonheur, pour avoir de la chance en fait. Donc, oui, donc c'est l'œuvre qui est là-bas, donc, avec un bassin traversé par un ponton dans lequel on cherche des pièces. Et c'est donc madame qui est l'artiste qui nous a fait cette très belle photo qui quelque part nous permet de rentrer dans la vie des Japonais et dans l'esprit du Japon. Oui, alors justement, Jean-Jacques me dit on pourrait imaginer de reproduire un peu cette image, parce que nous on a besoin de ça aussi. Hein. Donc on va mettre un bassin où on peut jeter des piécettes, c'est une très bonne idée, voilà. Alors, vous savez qu'on a un château là, à retaper, ça coûte à peu près 3 millions d'euros. Donc on va commencer par 1 euro. Hein. Parce que pour atteindre 3 millions, il faut prendre 1, 2, 3, 4 milliers. Hein. Vous savez ce que c'est. Pardon ? C'est des très petites pièces. Oui, mais disons, on nous proposera de faire des plus grandes pièces, vous voyez. Ou alors, on pourrait. Est-ce qu'il n'y a-t-il pas un bassin à billets ? Pour faire des petits bateaux, vous voyez, en billets de 500 euros, par exemple. Hein. Voilà. Mais en tout cas, je propose d'applaudir madame, comme tous les artistes de cette parcelle. Et c'est vrai que ces bateaux, elle rentre dans notre site, elle fonctionne bien dedans. Et celle-là est tout à fait très belle. Hein. Voilà. Voilà, ben voilà, on va continuer, on va prendre la suite de notre parcours médical. Ici, nous sommes sur la deuxième sous-ambiance de l'expo, exactement. Donc, c'est-à-dire les scènes de vie japonaises, le Japon au quotidien. Donc, peu à peu, vous avez vu une transition où on sortait un peu des cerisiers en fleurs pour mettre de plus en plus en avant le quotidien japonais. Et pas le quotidien stéréotypé, mais vraiment aller au-delà des stéréotypes, aller au-delà des clichés. C'est ce qu'on souhaitait mettre en avant à travers cet espace. Également, on a essayé de faire un lien entre notre espace qui est actuellement en chantier pour le Festival des Jardins Métissés et ces photographies, donc c'est-à-dire du mouvement dans les photographies. On peut imaginer le bruit également dans ces photographies à travers les chantiers qui se réalisent au cours du mois d'avril et de mai. Voilà. Donc, et si... Exactement, nous avons également eu un concours d'épouvantail sur l'événement de Pâques, donc que vous pouvez voir, et le regagnant et l'épouvantail au fond. C'est des écoles de la vallée et des organismes sociaux qui ont répondu à ce concours. Donc je vous propose aux photographes qui sont présents également de pouvoir parler de leur œuvre s'ils le souhaitent. Donc je sais que nous avons Luc Bali qui est présent aujourd'hui. Il y a une photographie ici, voilà, qui arrive. Alors juste, en attendant que Luc n'arrive, vous découvrez tout au fond, vers le château, une œuvre géante. On va aller la voir de plus près, mais vous voyez que c'est une œuvre qui donne de la force au château. Elle est, en fait, c'est le clou de la visite, puisque c'est le Fujiyama. Mais version Vallée de Saint-Amarin, on en parlera par la suite. Voilà, c'est Bali. Oui, bonjour. Bonjour, messieurs, dames. Moi, je suis photographe pour le National Geographic des États-Unis, je suis correspondant presse. Je travaille aussi pour le Japon, spécialiste. Pardon. Et voilà, donc, Guillaume m'a contacté pour faire plus des photos. Je lui en ai donné, voilà. Et c'est laquelle, là, que vous avez, celle-là-bas ? Le Sumo. Là, il s'ouvre. Un festival. Un festival. Après, j'ai une geisha. C'est tout bon. Voilà. Moi, je vais entre 6 à 10 fois par an, je vais au Japon. Là, hier soir, j'ai atterri de l'Afrique du Sud. Je viens de Johannesburg. Mardi, je repars à Séoul, en Corée du Sud. Quand on fera l'Afrique, on vous contactera. Ah, mais il n'y a pas de souci. Toujours au plaisir. Non, on n'a pas dit, monsieur. Hein, de... Merci, monsieur. Dame. Si vous avez des questions. Merci, Luc. On va poursuivre notre déambulation. Donc, je vous propose d'aller en direction du parc à l'anglaise. Juste une remarque. Dans la discussion sur les photos, on voit bien que des photos qui s'insèrent dans un mur et dans un environnement sortent plus fortement qu'une photo qui est plantée au milieu du pré. Donc on est en train de tirer des leçons. Enfin, la grande photo qui est au fond, là, quelque part, qui est une photo de grande envolée, fonctionne assez bien en fond de cours. Donc, une chose c'est de faire des belles photos, une autre chose c'est de les mettre en scène dans l'environnement. Et si elle existe, qu'on va apprendre. C'est la première année. Mais soyez sûr, dans 2 ans, 3 ans, nous ferons des choses encore plus belles qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, c'est déjà très beau, il faut le dire. Hein. Voilà. Mais il faut apprendre le métier de la mise en scène de la photo dans son environnement. Et ce n'est pas si évident que ça. En fait, il faut corriger après qu'on ait posé. Et aussi, on a vu, il faut des fois que les photos soient plus grandes ou plus petites pour fonctionner. Là, elles ne pouvaient pas être petites, il fallait qu'elles soient grandes. Et peut-être même encore plus grandes que ça, vous voyez. Donc c'est cette question de... Et du coup, la photo du château, parce que c'est aussi une photo, enfin c'est une peinture, vous allez voir sur place, elle crée une grande force parce qu'elle correspond à une logique géographique du jardin. Voilà. On va continuer, je crois, c'est ça, Guillaume. J'écoute couler la pluie d'été. Je regarde tomber la pluie d'été. Je ne bouge pas. Non, ne bouge pas sur la fleur. Ses feuilles en sont éperdues. Elle ne bouge pas. Non, ne bouge pas. Pluie d'été, d'un nuage tombé. Pluie d'été, sur mes yeux s'est levée. Lorsque la chaleur ici, nous sommes sur la troisième sous-ambiance, sur une valeur qui est vraiment dans la culture japonaise, c'est-à-dire l'impermanence des choses, l'éphémérité. Donc vraiment capturer le moment, l'instant présent. Et également, nous sommes sur des photos qui sont très douces, qui s'intègrent en fait au cadre arborescent, également à notre sentier pieds nus, qui est orienté autour de l'enfance. Donc nous avons réalisé un premier sous-espace ici, de la photographe, donc c'est la même photographe Maya Thibault qui est présente parmi nous aujourd'hui, qui a photographié ces quatre éléments au fond. Et après nous avons une montée progressive jusqu'à notre quatrième sous-ambiance. Donc si également des photographes sont présents et reconnaissent leur œuvre, je vais leur laisser la parole s'ils le souhaitent. Maya, il y a déjà Maya, non? Elle est là? Si elle le souhaite, oui. Ben venez, venez avec nous, Maya. Aussi, allez. Un petit mot sur votre... Un petit mot quand même. Pas dans le micro, non, mais... Pas dans le micro? Non, mais je vais essayer de vous parler fort. Oui, donc moi, je viens de l'Aveyron, et donc je fais de la macro-photo depuis une vingtaine d'années. Alors, ces photos n'ont pas été faites au Japon. Mais en fait, elles font partie d'un coffret de cartes que nous avons édité avec une association et pour lesquelles on demandait d'écrire des haïkus. Et les photos ont un petit côté comme ça, assez épuré et japonisant. Donc je les ai proposées au parc. En tout cas, c'est très beau, elles fonctionnent bien. On applaudit, madame. Il y a d'autres photographes par rapport qui ont des photos sur la montée, ben on va leur donner la parole, voilà. Bonjour, donc Sylvain Sester, je suis alsacien de Rennes-sur-l'Eyre. Et c'est la photo du vieux monsieur là-bas à travers la vitre avec le reflet. Donc c'est une photo qui a été faite à Kyoto. Donc, j'ai appelé ça le temps qui passe. Et c'est vrai que c'est un monsieur qui était dans un café. Et donc il y avait le reflet du cerisé qui reflétait dans la vitre du café. Très sympa, elle est magnifique. Elle donne de la douceur merci. À la montée, de la douceur ouais. Et de l'humanité. Merci beaucoup. Ouais. Ouais, il avait un air pensif, il était, disons, il m'a aidé. Quoi. Il a vu que je le photographiais, mais il avait un air pensif, un air qui allait bien avec la photo. Bah, on applaudit monsieur. Quelqu'un d'autre qui est dans la montée ici? Ah bah Sandrine. Sandrine. Donc Sandrine, c'est notre photographe Besserlin qui a fait un magnifique livre sur les fleurs et le site de Besserlin. Ouais. Donc depuis un an, effectivement, ce livre est sorti. Effectivement, j'ai participé à ce concours, mais plus sous l'angle inspiration Japon et pas en y étant allée, mais en rapportant des images de France qui peuvent rappeler. Le Japon, donc vous avez un gros plan de fleurs de cerisier qui a été prise, une photo prise dans le vignoble alsacien. Il y a encore des reliques de petits cerisiers dans le vignoble chez nous. Et puis l'autre photo, donc c'est un contre-jour, et l'autre photo c'est un vol de cygnes. Le cygne et les grues sont également des oiseaux emblématiques du Japon. Et donc c'est pour cela que j'ai également proposé cette image au concours. Et je pense aussi, juste pour préciser, que l'année dernière, je pense aussi inspiré quand même ce concours, puisque j'ai testé l'année dernière une exposition en plein air avec des très très grands formats sur velours, et je pense que ça a beaucoup séduit. C'était que sur un mois, malheureusement, mais je pense que ça a inspiré votre concours photo de cette année. Voilà. C'est les photos de Sandrine de l'automne dernier qui nous ont donné l'idée de ce cheminement. Alors je suis ravie, hein, voilà. Évidemment, et j'espère que ça va Sandrine donner à deux titres. Il n'y a plus de photographes dans cette montée, si ce n'est pas le cas, donc on va continuer vers le haut dans notre parcours initiatique Japon. Thank you. Ici, nous sommes sur la dernière sous-ambiance de notre parcours. On arrive sur un espace qui mène à la sagesse et la spiritualité, où on trouve beaucoup de temples et également de nombreux visages féminins, des lotus également, qui sont associés donc au temple. Et voici pour cet espace. Si également des photographes souhaitent parler à nouveau de leur photographie, je sais qu'il y en a un également, Sylvain, qui peut reparler à nouveau de ses photographies qui sont exposées ici. Il y en a plusieurs. Merci Sylvain. Oui, bonjour. Donc ce sont deux photos qui ont été faites à Kyoto de nouveau. Ça c'est dans le quartier des geishas à Kyoto. Et donc avec c'est une Maiko. C'est pas une geisha, c'est-à-dire que c'est une apprentie geisha en dernière année. Et donc avec toujours encore avec des reflets de lanterne à travers des vitres, sur des vitres. Et donc c'était une photo de nuit. Et ici c'est dans un parc, je suis désolé, je ne me rappelle plus du nom, mais un parc très connu de Kyoto avec ses tories. Donc il y a des milliers de tories, il y a des dizaines de milliers de visiteurs. Et donc elle a une petite histoire celle-ci, c'est-à-dire que pour avoir la dame, en fin de compte, c'est traditionnel là-bas quand on va visiter les parcs. Souvent les jeunes femmes achètent un kimono, louent un kimono, s'habillent en kimono et font la visite du parc en kimono. Donc c'est une, j'imagine que c'est une chinoise, pas une japonaise, parce que souvent ce sont des chinoises, des touristes chinois. Et donc là c'était un couple et il y avait un monde considérable. Donc elle était avec son mari. Et j'ai demandé à son mari derrière de bloquer le passage. Et j'ai attendu, il a fallu 50 mètres, là, vous voyez, pour qu'il n'y ait plus de monde. Donc il a fallu 2 minutes, 3 minutes. Et puis j'entendais crier derrière. Et le mari, il faisait ça avec plaisir, quoi. Et puis donc, voilà, j'ai eu la dame toute seule dans son kimono, donc dans ses tories. C'est une photo que je voulais faire avant de partir. Voilà. Merci. En arrière, une très belle photo, Luc, qui est aussi faite par l'un de nos photographes. Comme mon collègue, rebonjour. Ça a été fait par contre un voyage de presse. Donc à peu près, cette photo a été photographiée par à peu près 40 photographes. C'est une véritable Maiko. Par contre, ça n'a pas été fait à Kyoto, ça fait à Osaka. Et je n'ai pas voulu faire la photo traditionnelle que tout le monde connaît. Je l'ai juste prise quand elle descendait. Ces quelques marches, elle est presque tombée, mais bon. Et voilà, l'image a été prise et reprise sur Internet. Et je suis en procès. Parce que bon, cette photo a été prise, elle m'a été copiée, je ne sais pas, un nombre de fois. Enfin bon. Donc tant que ce n'est pas avec des serveurs, le procès qui va... Non, ça va. C'est de bon cœur, il n'y a pas de souci. Merci. Je vous en prie, merci. Alors, je vais dire, le budget de l'expo est très faible, c'est ça Oui, mais il n'y a pas beaucoup de rémunération des photographes, c'est ça, hein. C'est même très très faible. Et donc il faut remercier tous les photographes qui ont accepté de rentrer dans cette démarche. On fonctionne, vous le savez peut-être, à Vessin avec des tout petits budgets tout le temps. En fait, on a fait monter le site avec pratiquement pas de budget. Et c'est le plaisir ou l'amour que certains bénévoles ou professionnels ont pour nous qui permet en fait que nous allions de l'avant. On teste des choses. En tout cas, un grand merci à tous ces photographes qui ont accepté de travailler avec nous dans ces conditions. Je propose qu'on les applaudisse encore une fois. Voilà. Alors, on va peut-être passer par en bas pour remonter après vers le château, parce qu'il y a quelques photos ici. Et donc, on entre, il y a des photos de temples, puisque c'est en arrivant vers le château qu'on rentre dans le Saint des Saints. Voilà. Je rebondis juste sur ce que disait François à l'instant. Donc effectivement, les photographes ont participé au concours de manière bénévole par rapport aux photographies. Toutefois, il y aura trois lauréats à l'issue de cette exposition, au bout des 2 mois. Il y a un vote qui s'effectue à la boutique du jardin, à la fin, pour voter pour les 3 photographies favorites. Et au bout des 2 mois, ceux qui auront reçu, les 3 photos qui ont reçu le plus de votes, recevront les prix. Voilà, c'était bon. Je clôt l'aparté. Donc ici, nous sommes sur un sous-espace où c'est le temple qui était à l'honneur. Donc ici, vous voyez derrière vous, derrière le rondeau, un temple également sur les deux côtés. Maël, exactement, sur le rondeau. Et donc vous voyez, à l'instant où il y avait Maël, il y a quelques animaux un peu étranges en métaux sur le pourtour du rondeau. Donc je vais laisser la parole à Jean Granello, qui a réalisé ses œuvres et qui va vous en parler tout de suite. Voilà, alors moi je vous fais sortir des photographies, je suis désolé, mais ça pourrait être le Japon. Voilà, je suis effectivement l'heureux papa de ces créatures métalliques qui sont faites à partir d'outils que je chine sur les marchés Opus. Et voilà, j'aime cette idée, enfin j'aime bien déjà avoir mon stock devant moi, c'est l'occupation de l'hiver. Et après je regarde lesquels je peux prendre, que je peux utiliser pour faire en général des oiseaux ou des insectes. Donc j'en avais un qui apparemment a disparu cette nuit, mais bon, j'espère qu'on va le retrouver. Il était là-bas, mais c'était le Pterosaurus, parce que je les ai baptisés aussi. Donc Pterosaurus, je suis un peu désolé de ne pas vous le montrer, parce qu'il était quand même un peu préhistorique. Enfin, ptérosaure, vous connaissez, hein, c'est le terme de passage entre les reptiles et les oiseaux. Je suis désolé, mais c'est toujours un peu ma première vie qui ressurgit. Hein. Et donc, j'allais vous dire qu'il s'envole au crépuscule, et c'est peut-être ça. Il n'a peut-être pas retrouvé son chemin cette nuit. Il s'envole au crépuscule en quête de nourriture. Et voilà, si vous avez, un peu comme moi, une calvitie certaine, naturelle ou provoquée, eh bien méfiez-vous parce qu'il risquerait de nuit, vu de dessus, pour prendre votre crâne pour un œuf de dinosaure dont il est très friand. Enfin, de toute façon, il n'est pas là. J'espère qu'on va le retrouver. Alors là-bas, vous avez Athéus, c'est un héron. Vous avez ici Scarabus, derrière Patricia, hein, Scarabus. Vous avez Zanzarus, là. Alors là, j'ai pris son nom italien parce que Zanzara en italien, c'est le moustique. Et ça évoque bien pour moi cet instant un peu délicieux que vous avez tous vécu un soir d'été, on a du mal à s'endormir, on s'endort quand même, on va s'endormir et zanzara à l'oreille, on commence à taper, avec malchance on tape sur la personne qui dort à côté de vous et puis ça dégénère. Voilà. Donc il est là-bas, hein, sur la poutre, et vous voyez qu'il a son appareil piqueur déplié, c'est donc une femelle. Hein, c'est les femelles qui piquent. Voilà. Et puis vous avez ici, sous les branches, voilà, alors là vous avez Bubus le grand-duc, hein, le grand-duc, puisqu'il se, Bubo en latin, et donc je voulais une terminaison en us. Et puis là vous avez Arachnus, il faudra venir la voir, c'est l'araignée aux yeux verts. Alors Arachnus, elle doit son nom à Arachné, qui était une déesse de la mythologie grecque, qui se vantait de tisser beaucoup mieux qu'Athéna. Athéna, de rage, a détruit toute la toile tissée par Arachné, et Arachné, de désespoir, s'est pendue, au bout d'un fil, bien sûr. Alors Athéna, prise de remords, a décidé de lui donner une deuxième vie, mais en la condamnant à tisser une toile toute sa vie. Voilà, donc Arachnus, faites attention si vous êtes grand, en passant dessous, les pattes d'Arachnus risquent de vous griffer le crâne. Et puis là, il y a mon petit dernier. Alors, mon petit dernier, là, je l'aime bien celui-là. C'est un canard, oui, c'est un canard. Mais quand j'ai voulu le baptiser, le genre des canards, c'est Anas. Alors, vous voyez qu'avec une terminaison en us, je vous laisse imaginer la suite. Donc, je me suis dit, vous savez comment sont les gens, hein ? Ils seraient passés là-devant, tout le monde l'aurait traité de produc. Alors finalement, j'ai décidé de l'appeler Anatidus. Anatidus, c'est un petit canard, il s'ébouriffe, d'autant plus qu'il a le croupion assez provocateur, relevé. Donc, voilà. Donc, si en passant, ça vous fait sourire, eh bien, mon objectif est atteint. Voilà. Merci Jean, merci. Je crois qu'il y a Alexandre, hein, c'est ça, qui a fait une œuvre, un photographe, qui est situé donc de l'autre côté de l'allée, c'est ça, c'est la photo donc de fleurs très belles. Voilà, c'est le lotus. Alors c'est un lotus qui était à Tokyo, sur un champ de lotus au plein cœur de Tokyo, dans un parc. Et c'était assez rigolo parce que c'était un magnifique parc avec un beau champ de lotus. Et il y avait une meute de gens qui jouaient à Pokémon Go, qui ne regardaient pas du tout ce magnifique paysage. Donc voilà. Donc avec Sarlin, on peut regarder le paysage sans regarder son iPhone. Hein. On peut regarder directement. Hein. Voilà. Bravo. Et j'ai également un autre photographe, ici même, Simon Paulet. Oui, bonjour. Alors moi j'ai fait la photo qui... c'est aussi les lotus qui est de l'autre côté. C'est des lotus bleus qui ont été photographiés au Jardin des Martels à Albi, donc pas au Japon, mais qui rappellent malgré tout cette ambiance japonaise. Et pour la petite histoire, ce lotus, il a des vertus aphrodisiaques et on dit aussi que si par exemple on le mange, on peut s'endormir et se réveiller qu'une fois qu'on sera entièrement guéri. Merci. Bon, ben on va savoir. Il n'est pas loin de la fameuse grotte, hein, pour ceux qui connaissent l'histoire de la grotte, mais ça je ne prendrai pas aujourd'hui. Hein. Donc voilà. Nous allons clôturer cette exposition sur la montée jusqu'au château, où nous allons présenter l'œuvre de Vincent Koenig. Messieurs, dames, approchez-vous. Il y en a encore qui sont en bas dans le trou, je crois, encore. Hein, on les voit de loin. Hein, juste les têtes dépassées. Donc, ce beau château, sacré château, sacré parce que vous le savez peut-être, quand on passe derrière les belles toiles ici, on est dans la misère. Ça fait 20 ans que ce château est en ruine. Et heureusement, depuis 2 ans, un accord a été trouvé avec le département pour confier le château à la société de gestion. Il dirait confier un château en ruine à une association qui n'a pas de sous. Est-ce que c'est une bonne idée? Mais ça a permis de débloquer la situation. Et un projet de rénovation du château est en cours de fabrication qui semble pouvoir aboutir, on va dire, dans les 2-3 ans qui viennent. Dans lequel, en fait, château dans lequel on mettrait l'accueil du site de Vesselin et le musée en quelque sorte, en laissant pour d'autres activités le bâtiment actuel du musée. L'idée, c'est de rassembler jardin, musée, entrée, mais également ferme, grande chaufferie dans un seul parcours cohérent, permettant de découvrir le site. Mais en attendant que ça soit fait, il faut bien sûr masquer la misère, et ça fait 15 ans maintenant qu'on met tous les 3-4 ans une œuvre géante sur le château pour lui donner de la force alors qu'il est faible. Et le vent et le temps ayant fait son usage, l'animation précédente, qu'on devine dans les toiles qui sont situées des deux côtés de la partie centrale, ces toiles étaient usées, certaines étaient déchirées, et la question s'est posée de savoir ce qu'on allait faire cette année. Et c'est là qu'effectivement, un artiste de notre vallée, Vincent Koenig, ben Vincent, approche-toi, hein, nous a proposé une œuvre géante, mais aussi une série d'œuvres particulières qui rentrent dans la question de la découverte du Japon, mais aussi qui, quelque part, fabriquent une force quand on est totalement au bout du jardin régulier. Il faut que cette œuvre, si vous voulez, nous entraîne et nous fasse aller de l'avant. Alors, je vais laisser la parole, bien sûr, à Vincent pour expliquer le détail de l'œuvre, mais je tiens à signaler quand même qu'il y a 3 performances dans cette affaire-là. Performance d'abord technique, puisqu'effectivement, il fallait meubler ce château, c'est toujours difficile. Et il se trouve qu'il y a 8 jours, rien n'était prêt. D'ailleurs, rien n'était prévu que ce soit prêt, parce que ça devait être prêt pour le Festival des Jardins Métissés, donc pour le 1er juin. Et avec Guillaume, on a eu un long débat difficile pour dire, mais quand même, c'est pas possible. Alors Guillaume, il a appelé Colorature, mais bon Dieu, c'est pas possible. Et Colorature, qui n'était pas prêt du tout à faire cette œuvre géante, s'est débrouillé pour nous la fabriquer dans les 8 jours. Et l'équipe technique du parc, qui n'était pas prête non plus, c'était pas prévu au programme, s'est débrouillée hier, avant-hier, pour arriver à la mettre en place, parce que c'est quand même une grande aventure pour mettre en place tout ça. Donc déjà, avant même de rentrer dans la partie artistique, je tiens à remercier cette performance technique, on va dire ça comme ça, et le fait qu'à Vesselin, même quand on s'y prend un peu tard, on arrive à faire des miracles, et vous voyez, c'est quand même un beau miracle parce que l'accrochage a été fait dans les règles de l'art. Colorature s'est démené pour imprimer l'ensemble de cette œuvre, et bien sûr, Guillaume, Jean-Marc et tous les autres ont fait que ce soit possible. Donc déjà, un merci à eux, et déjà des applaudissements pour cette partie spécifique avant d'entrer dans l'œuvre groupe de Vincent Koenig. Alors l'œuvre, alors, ce que j'en sais, mais Vincent va compléter, parce que moi j'ai une vision très grand public, hein. Nous souhaitions quelque part avoir l'un des clous du paysage japonais, qui est donc le Fujiyama. Et quand on m'a dit que Vincent avait fait une petite esquisse basée sur un des clous de notre vallée, qui est le Schlossberg, vous savez, il y a aussi une espèce de montagne là qui bouche le bout de la vallée et qui fabrique en fait un paysage original. Ben, nous avons trouvé ça intéressant, d'autant plus qu'il est probable, mais là je vous laisse encore sur votre faim, qu'il faudrait bien chercher la princesse du Festival des Jardins Métissés. La princesse et le samouraï. D'ailleurs, notre samouraï sera un peu feignant et un peu jardinier, d'après ce que j'ai compris. Ce ne sera pas un samouraï très belliqueux. C'est bien l'esprit de Vesselin. Mais la princesse sera quelque part par ici et peut-être sera-t-elle dans les antres du Fujiyama, dans un château fantôme. Facile, enfin, si, il est là, le château fantôme. Hein. Et on pourra peut-être la découvrir, voire lui parler, peut-être à partir du mois de juin. En tout cas, en attendant, nous avons une œuvre étonnante, de grande taille, très belle, et qui est accompagnée de deux lèzes qui vont en fait exprimer quelque chose du Japon. Je vais laisser Vincent parler, mais je vais faire venir aussi Yoshiko, c'est ça, voilà, venez à nos côtés, qui est donc habitante de la vallée et japonaise, donc voilà. En plus, épouse d'un militant de Vesselin, je ne le présente pas, tout le monde sait qui c'est. et qui a participé en fait à la mise en valeur de cette œuvre, en particulier par les inscriptions calligraphiques. Mais Yoshiko nous présentera aussi un peu ce que ça veut dire. Donc, bon, je ferai applaudir après. D'abord, Vincent va nous présenter un peu ce qu'il a imaginé, les calicots qui l'accompagnent, mais Yoshiko prendra la parole aussi. Merci. Donc, ce travail, les 36 vues du Schlossberg, fait écho à une œuvre artistique d'un célèbre artiste japonais du nom de Katsushika Hokusai, qui a vécu à cheval entre le 18e et le 19e siècle. Donc ça, une de ses œuvres très célèbres que vous connaissez tous, c'est La Vague, et également les vues du Mont Fuji qui sont très, très célèbres également. Alors dans son œuvre qui est très importante, il y a deux séries. Il y a les 36 vues du Mont Fuji qui a été édité dans les années 1830 et qui a été suivi par les 100 vues du Mont Fuji, donc quelques années plus tard. Donc ce sont différentes vues de ce célèbre volcan qui est l'emblème du Japon. J'ai eu comme idée, en travaillant, en passant souvent devant un promontoire, comme l'a dit François, de fond de vallée, le Schlossberg, au fil des ans, en le représentant pour d'autres buts, pour d'autres supports, avec d'autres intentions. Cette montagne-là, au bout d'un moment, j'en avais fait un certain nombre de représentations. Et je me suis dit, tiens, ce mont Schlossberg, il va finir comme le mont Fuji, par accumuler et accumuler les vues. Donc, cette idée de réaliser une série sur la représentation de cette montagne s'est concrétisée cette année lors du projet des jardins sur le thème du Japon. Donc, cette montagne-là, c'est le Schlossberg, que tout le monde connaît sans doute, dans le fond de la vallée de la Thure, non loin du lac de Krut. Donc c'est un promontoire granitique à la forme et au profil très particulier qui est issu des glaciations qui ont modelé en fait son aspect actuel. Et la succession de vues, c'est une série en fait qui a donné lieu, qui a donné prétexte à une interprétation colorée de ce sujet, des fois qui va jusqu'à la représentation proche de l'abstrait, mais qui garde toujours en fait l'idée de ce profil très particulier du Schlossberg. Voilà, donc c'est un parallèle entre deux montagnes. Parallèlement à ça, il y a eu également l'idée de faire figurer sur ces vues des haïkus. Donc c'est une forme de poésie japonaise qui est célèbre et très caractéristique, surtout par sa brièveté et l'évocation des images que cette poésie suscite. Et donc j'ai demandé à Yoshiko d'intervenir et de représenter par le moyen de la calligraphie quelques haïkus donc qui sont représentés sur certaines des vues. Est-ce que tu veux dire quelque chose? Bonjour. Donc Vincent m'a demandé de un peu chercher le haïku et puis pour le calligraphe. Mais en ce moment-là, je n'ai pas pensé des choses comme un grand projet. En plus, je ne suis pas très douée de calligraphie. Mais bon, j'ai un peu entraîné et puis quand même, c'était très amusant. Et puis celui-là, juste je peux expliquer. Oyanagi, F de monashi ni kaze o kaku. Ça veut dire grand sol, pan, le vent, sans pinceau. C'est comme ça. Voilà. Donc, Oui, c'est au Japon, il y a beaucoup de sols plus longs. Donc ça, avec le vent, ça vraiment mouvement très très dynamique. Donc je pense que c'est imagination comme ça, je pense. Merci beaucoup. Bravo. Voilà, alors en tout cas, bravo, bravo pour nos deux artistes. Hein. Et nous avons maintenant les 36 peintures du Schlossberg, qui est notre Fujiyama à nous, nous, Alsaciens. Alsacien Lorrain, parce qu'aujourd'hui, il faut s'élargir un peu, bien sûr. Voilà. Franchement, c'est formidable et ça donne de la grande force à notre jardin de printemps. Merci, merci à vous deux. Encore un applaudissement, ça vaut vraiment. Et voilà, c'était la conférence pour le vernissage de l'exposition Déambulation photographique à travers le Japon au jardin de Wasserlin le 21 avril 2018. Je vous encourage à y aller vu que les photos seront encore disponibles. Et on retrouvera bientôt, je l'espère, le parc de Wasserlin à l'antenne vu que ce week-end, il y aura leur événement, le Cosplay in Wasserlin. Mais je l'annoncerai plus tard dans la semaine. Avant qu'on se dise au revoir et comme d'habitude, je fais le programme de la soirée et ce sera tout pour nous. Donc on retrouvera à 20h François pour le calendrier des esclavages et des libérations. Et la prochaine émission, ce sera la rediffusion de l'émission que vous venez d'écouter à l'instant. Donc 7h, 8h, hein, la rediffusion de cette émission sur le parc de Wasserlin, suivie à 8h30 de la matinale de Marion. Je rappelle encore une fois que l'émission est disponible en podcast sur le site radioguemozo.eu ou aussi sur la page Facebook Radio Guemozo, tout à fait écoutable sur les smartphones et aussi disponible au téléchargement. Bien entendu, on se retrouve demain avec un invité un peu particulier vu que ce sera la première fois qu'il sera de l'autre côté du micro, mais je ne vous en dis pas plus. Je vous suggère vraiment d'écouter, ça promet d'être drôle demain. En attendant, je vous remercie d'avoir écouté l'émission jusqu'au bout. Je vous souhaite une très belle soirée et rendez-vous demain même heure sur Radio Guemozo.